Ventre cinglé d'Henri de Briset. La route qui mène de Dreux à Montreuil était en meilleur état que les autres routes du royaume, grâce à cette circonstance qu'elle conduisait à Annay, qui était château royal. Néanmoins, les ornières y étaient fréquentes, et l'on rencontrait parfois en travers du chemin des troncs d'arbres écroulés, formant des petites barricades qui devaient être d'un passage difficile pour les carrosses, heureusement peu nombreux à cette époque. Dans les premiers jours du mois de mars de l'année 1590, trois cavaliers de belle mine et de galante humeur chevauchaient sur cette route allant du côté de Montreuil. Le premier était un gentilhomme d'une trentaine d'années, au profil accusé, mais dont les yeux pétillaient de malice. Il portait un buffle et un gorgerin, des hautes chausses violets, passementées de noir, et de grandes bottes en cuir fauve. Son feutre gris était orné d'une plume blanche. Ses compagnons, qui étaient mieux équipés, écharpes de soie, gants brodés, velours et brocart, lui témoignaient pourtant une affectueuse déférence. C'était le premier qui parlait. « Tu es sûr, la Trémoille, que nous sommes dans la bonne route ? D'autant plus certain qu'il n'y en a pas d'autre, mon cher sire. Enfin, rappelle-toi bien que si tu nous égares, je te ferai pendre. On ne pend pas les gentils hommes, c'est vrai. » Mais on peut leur faire couper la tête, ce qui revient au même. Cela ne revient pas au même du tout, car l'épée est noble et la corde est vile. Si vous continuez de viser de choses aussi gaies, mes bons seigneurs, dit le troisième cavalier, je tourne bride et reviens au camp. Bon, voilà la guiche qui boude, dit la Trémoille. Je ne boude pas, mais je ne suis pas content. Partir à trois, comme des enfants perdus dans ce dernier pays de ligueur, c'est tenter Dieu. « Voilà la guiche qui a peur, » dit le premier cavalier d'un ton goguenard. « Je n'ai jamais eu peur pour moi, » répliqua vivement celui qu'on attaquait. « Je crois l'avoir prouvé quelquefois, votre majesté, mais j'ai bien le droit de craindre pour vous, sire. »« Allons, allons, ne te fâche pas, » dit le Béarnais. « Je sais ce que tu vaux, mais pour Dieu, rengaine les sires et les majestés, car les buissons parfois ont des oreilles aussi bien que les murs du Louvre. » Ah. S'écria la Trémoille qui avait poussé en avant. « Je crois que j'aperçois le toit de mon auberge. »« Tant mieux, » dit le roi, « car j'ai grand faim. » Ils mirent leurs chevaux au trot et s'arrêtèrent au bout de 5 minutes devant une maison d'aspect débonnaire. Au-dessus de la porte, une enseigne se balançait. On y voyait représenté un animal extraordinaire, tenant à la fois du dragon et du chat-tigre. Mais le passant ne restait pas longtemps perplexe, car l'artiste avait pris soin d'écrire tout autour de son œuvre avec des lettres hautes d'un demi-pied au cheval blanc. Sur le seuil, un gros homme souriait agréablement. C'était l'autre, maître Hercule Ledoux. « Ma foi, » dit le roi, « l'hôtelier a bonne mine. Pied à terre, messieurs. » Un petit valet vint prendre les bêtes, et ils entrèrent tous trois dans la maison. La grande salle où se trouvaient les trois gentilshommes était une grande pièce au plafond lambrissé et bas, éclairée par trois fenêtres. Au fond, parmi l'acier des landiers, la flamme palpitait, claire et haute. Sur les dressoirs brunis, la vaisselle d'étain luisait comme joyaux d'orfèvre. Au mur, rangés en bataille, les pichets en faïence et les tasses mettaient la gaieté de leur décor fleuri. « Vous voulez dîner sans doute, mes gentilshommes ?» demanda Ledoux. « Certes, » fit la guiche. « Que diriez-vous pour commencer d'une omelette aux nouilles ?»« Bon, » fit le roi. « Un jambon aux pistaches ?» « D'accord. Et comme roux, un chapon servi sur une purée de lentilles. »« Fade, la purée de lentilles, » fit la Trémoille du bout des lèvres. « Je partage votre sentiment pour une purée ordinaire, monseigneur, mais la mienne sera relevée par des épices et soutenue par des lardons que j'aurai dorés dans du beurre frais. » Les trois jeunes gens adressèrent à l'hôte un signe de tête approbateur. « Voilà une auberge admirable, » dit Henri. « On ne mange pas mieux chez le roi d'Espagne. » Hercule Ledoux leva son bonnet. Le Béarnais, qui l'observait, demeura perplexe, ne pouvant déterminer si son salut était un remerciement ou un hommage à sa majesté catholique. « Parlons un peu des vins, » dit la Trémoille. « Avez-vous ici quelque chose de buvable ?» interrogea dédaigneusement la guiche. L'aubergiste eut un sourire plein de promesses, fit un signe de la main signifiant qu'il ne serait pas long, et disparut dans un petit caveau dont l'ouverture bâillait à côté de la cheminée. « Goûtez-moi ça, » dit bientôt Ledoux, triomphant et essoufflé, en débouchant une bouteille ventrue et suffisamment poussiéreuse. Dans les verres glissa un filet de cristal rose. Ils burent. « Bon, » dit le roi. « Exquis, » fit la guiche. « Encore un verre ?» demanda la Trémoille. Et quand il l'eut vidé, l'admirable Bourgogne. « C'est du petit bonne, monseigneur, » dit hypocritement Hercule. « Seulement il est de 1575, la grande année où il fit si chaud en septembre. Hey, » conclut le roi, « monte-nous d'abord 4 bouteilles de ce joli vin et presse tes marmitons, car j'ai une faim qui me crie au ventre. » Hercule le Doux s'inclina, et bientôt on entendit sa voix puissante qui se mêlait au choc des casseroles, au frisli du beurre chauffé, au cri désespéré du chapon, qui semblait insensible à l'honneur d'avoir pour tombeau un estomac royal. Les 3 hommes finissaient la bouteille en attendant l'omelette quand l'autre parut. « Je me permettrai de faire par ma femme à ces messieurs une petite friandise aux pâtes d'abricot qu'elle réussit assez bien. »« Volontiers. » Monseigneur le duc de Mayenne s'en est régalé la semaine passée. « Ah, monsieur de Mayenne est venu ici ?» dit le roi. L'hôtelier se découvrit encore, puis il dit « Le grand-duc m'a fait cet honneur. »« Le gros-duc, veux-tu dire ?» fit la Trémoille en riant aux éclats. « Le duc Sac, le duc Tonneau. » « Je ne souffrirai pas qu'on insulte monseigneur de Mayenne dans ma maison. »« Et quoi, drôle ?» fit le jeune homme, qui fronçait le sourcil. « Veux-tu te faire tirer les oreilles ?»« Allons, la Trémoille, » dit le roi. « Voyez ce beau muguet pour me tirer les oreilles. Il est sans doute de l'armée de ce maudit Béarnais. »« C'en est trop, sire, » murmura la guiche à l'oreille de son maître. « Non, laisse, je ne veux pas me découvrir. » Pendant ce temps, la Trémoille, moins patient, avait tiré son épée et cherchait à atteindre le Doux, qui, retranché derrière une table solide, hurlait de toute la force de ses poumons. « À moi, Claude, Hervé, Ledin, François, Manon, Catherine, à moi, on m'assassine !» Au cri, des têtes effarées apparurent à toutes les portes. C'étaient les garçons d'écurie, les gars de sauce, les filles de cuisine et de basse-cour. Le Doux continuait ses clameurs. « Suce au parpaillot, mes enfants! Tapez, tapez! Ils sont de la vache à colasse !» Enflammé par ses exhortations, la Valtaille empoigna tout ce qui lui tomba sous la main et chargea le roi et ses 2 amis. Le Béarnais riait aux larmes. La guiche, furieux, grommelait et jurait. La Trémoille, espadonnant toujours, parait comme il pouvait les attaques de l'aubergiste qui s'était armé de sa broche. Mais les coups pleuvaient si dru que la guiche et le roi furent obligés de dégainer à leur tour. Bientôt, sous les balais, les fourches et les bâtons, les épées se brisèrent comme des baguettes. « En retraite !» commanda le roi, qui cherchait à gagner la porte. « En retraite et vite aux écuries !» La guiche, qui était très robuste, enleva une table énorme et la précipita sur les assaillants, qui s'écroulèrent en hurlant. Profitant du désordre causé par cet incident, les 3 amis purent s'échapper et gagner le bâtiment où l'on avait logé les chevaux. « Malédiction, ils sont dégarnis !» s'écria la Trémoille. « Qu'importe, » dit le roi, « les harnais sont sur ce chevet là-bas, scelle vite les bêtes, pendant que nous empêcherons ces enragés d'entrer ici. »« Vite, vite, sire !» cria la guiche, « les voilà !» Henri se précipita sur les battants de la lourde porte qu'il ferma. Arc-bouté contre le ventail avec la guiche, il résistait aux efforts furieux des assaillants. On entendait la voix d'Hercule qui excitait ses soldats. « Hardi, enfants, tuez-les, massacrez-les, mort aux hérétiques, vive la Ligue !»« Que me disais-tu donc, la Trémoille, que j'étais chérie dans ce doux pays ?»« Là, voilà qui est fait, » dit le jeune homme sans répondre. « Vite, en selle maintenant, moi j'y suis. » Il avait approché les chevaux de la porte. Le roi et la guiche se mirent à cheval en un clin d'œil. La porte céda. « Chargez !» commanda le roi. Et enlevant leurs chevaux de pied ferme, les 3 cavaliers passèrent comme la foudre sous le ventre de l'infortuné Ledoux et de ses acolytes qui n'avaient pas eu le temps de se ranger. Pendant 10 minutes, ils galopèrent sans s'arrêter. Enfin, Henri serra les rênes et commanda « Halte !» Les 3 amis étaient fort mal accommodés. Le roi reçut un coup de bâton qui lui dessinait sur le front une raie sanglante. La guiche avait les 2 yeux pochés, la Trémoille était en loques grâce à la broche de maître Ledoux. « Délibérons, messieurs mes amis, » dit le roi. « Ton avis, la guiche ?»« Retournez au camp et ne comptez à personne notre équipée. »« Et toi, la Trémoille ?»« retourner au camp, prendre avec nous une dizaine de bons garçons et revenir chez cet hôtelier maudit à qui je me charge d'apprendre la politesse. Tout cela ne vaut rien, dit le roi. Si nous suivons ton avis, la Guiche nous aura l'air de pleutre. Si nous suivons le tien, la Trémoille, nous aurons l'air de petits garçons. Non, il faut faire nos affaires tout seuls et avoir les honneurs de la journée. Nous sommes battus, continua Henri, c'est incontestable. Mais il est encore de bonne heure, et nous pouvons réparer notre échec. Rappelez-vous qu'à Arc, nous avons eu le dessous au commencement du combat. Malgré leur mauvaise humeur, les deux jeunes gens ne purent s'empêcher de rire à cette comparaison. Voici donc ce que je propose. Nous allons nous couler par les bois jusque sur les derrières de l'hôtellerie. Là, nous tâcherons de prendre un otage et nous rentrerons dans la maison en triomphateur. L'otage sera prévenu qu'au moindre mouvement hostile, on lui donnera du poignard dans le ventre. « Admirable, en route !» s'écria la Trémoille. « Sire, dit la Guiche, vous êtes un grand capitaine. » « Ce n'est pas ce que dit monsieur de Mayenne, » ajouta le roi avec un sourire. Le plan fut exécuté de point en point. Ils s'arrêtèrent à 100 pas du cheval blanc sans avoir été aperçus. Alors ils mirent pied à terre, attachèrent leurs chevaux dans un taillis épais et avancèrent dans la direction de l'auberge. Avec 1000 précautions, ils gagnèrent sans dommage un coin de la basse-cour où ils purent se cacher derrière un grand chariot au fond d'un hangar. Pendant quelque temps, ils ne bougèrent pas, entendant, sans pouvoir cependant distinguer les paroles, le bruit d'une conversation très animée. L'aubergiste et ses valets racontaient sans doute leur prouesse. « Nous ne pouvons cependant pas rester ici 2 heures, » murmura la Guiche. « Tiens, tiens, nous avons un voisin, » dit la Trémoille qui cherchait dans son coin. « Un voisin, » dit le roi. « Oui, sire, voyez plutôt. » Et prenant le roi par la main, il le fit se pencher jusqu'à une ouverture garnie d'un treillage en bois. « Oh, le beau cochon !» s'écria Henri avec conviction. « Il est rose, il est gras, et je meurs de faim. Eh, mais j'y pense !» continua-t-il. « Voilà un moyen tout trouvé de faire venir l'otage que nous attendons. Passe-moi ton épée, la Trémoille. Il n'y a plus que toi, en avoir une. Là, merci, mon fils. Veillez bien, vous autres. » Le roi, allongeant sournoisement son arme, atteignit le pauvre cochon dans un endroit charnu mais sensible. Aussitôt, ce fut un vacarme épouvantable. Les cris, tantôt graves, tantôt déchirants, s'élevaient avec une telle force que la Guiche allait se boucher les oreilles quand il s'écria « Attention, voilà Maître Ledoux en personne !»« C'est trop de bonheur !» dit le roi, qui piqua encore un peu l'infortuné quadrupède dont les cris augmentèrent d'intensité. Très inquiet, l'aubergiste se hâtait. Comme il allait atteindre son toit à port, il se sentit saisi, bâillonné, entraîné avant d'avoir pu rien faire pour sa défense. C'était la Trémoille et la Guiche qui avaient fait cette importante capture. Amené devant le roi, qui le regardait d'un œil sévère, il entendit avec une frayeur croissante le petit discours suivant. « Maître Ledoux, écoutez-moi bien. Comme vous n'êtes pas établi aubergiste pour faire de la politique, mais bien pour donner à loger et à manger, je pourrais vous faire pendre. Mais comme heureusement pour vous, mes amis et moi avons grand faim, surtout après l'exercice que vous nous avez donné, nous préférons dîner. Nous mangeons donc chez vous le repas dont vous nous aviez tout à l'heure donné le si appétissant menu. Mais pour vous enlever toute tentative de trahison, vous partagerez notre dîner et prendrez place au milieu de nous. J'ajouterai qu'au moindre mouvement suspect, j'aurai le regret de vous enfoncer cette dague, qui est fort pointue, dans la partie de votre corps qui se trouvera la plus rapprochée de moi. Et maintenant, allons et faites bon visage, car je déteste les figures moroses. » Le pauvre aubergiste était plus mort que vif et serait tombé par terre si la Guiche et le roi ne l'avaient empoigné vigoureusement chacun par un bras. Ce fut ainsi que l'étrange cortège se mit en marche avec la Trémoille à l'arrière-garde. Nous ne cherchons pas à peindre la stupéfaction du personnel de l'auberge quand il vit entrer dans la grande salle Maître Ledoux ainsi encadré. Demoiselle Ledoux leva les bras au ciel, Claude et Hervé prirent des balais. « Dites donc un peu à ces braves gens que nous sommes de vos amis, » glissa le roi à l'oreille d'Hercule. « En effet, » balbutia le pauvre diable, « ces gentils hommes sont de mes amis. » Les bras de demoiselle Ledoux retombèrent, les balais reprirent leur place le long du mur. « Maintenant, à table !» dit Henri. Ils s'installèrent, l'aubergiste toujours solidement maintenu par ses deux surveillants. « Vous nous aviez parlé d'une omelette aux nouilles ?» commença la Trémoille. Hercule Ledoux resta muet. « Elle pique très fort !» dit doucement le roi en désignant du doigt l'aubergiste le manche de la dague passée à sa ceinture. Cela fut d'un effet merveilleux. « Allons, que l'on serve ces dignes seigneurs, femmes, vite à ta poêle, Claude va décrocher un jambon. »« Aux pistaches, » insinua la guiche. « Soyez sans crainte, ils sont tout préparés. »« N'oublions pas le vin, » dit la Trémoille. « Vous nous avez fait goûter tout à l'heure un certain petit bonne. »« C'est vrai. Tu descendras tout à l'heure au caveau, n'est-ce pas, ma femme ? C'est à gauche, dans le coin, tout près du vin d'Espagne. » Eh, hey, qu'y allez-vous vous-même ? Gronda demoiselle Ledoux, qui ne comprenait plus rien aux événements. C'est que je mange avec ces messieurs. Voyez-vous ce beau museau ? Reprit la femme, pour manger avec des gentilshommes. En tout cas, cela ne nous empêche pas d'aller à la cave. En effet, dit l'aubergiste, je peux bien. Il se leva à demi. Il retomba sur un escabeau avec un cri terrible. Le roi venait de lui chatouiller la cuisse avec la pointe de son poignard. « Ah ça !» fit l'aubergiste furieuse. « Êtes-vous devenu subitement fou ? Pouvez-vous me dire ce que vous avez à beugler de la sorte ?» Enfin, tout s'arrangea. Le repas fut exquis. Aux quatre bouteilles de bonne, la Trémoille, qui avait l'oreille fine, fit ajouter deux bouteilles de ce vin d'Espagne dont il avait entendu parler, et malgré toute son émotion, Maître Ledoux finit par manger de bon appétit et par faire honneur à sa cave. Quand on eut bu la dernière asade et que les chevaux qu'on avait envoyés chercher furent devant la porte, Henri se leva et jeta un double ducat sur la table. « Voilà pour votre repas, Maître Ledoux, » dit-il avec sa voix joyeuse. « Le reste sera pour les garçons. » Devant cette munificence, Maître Ledoux s'inclina profondément. « Croyez bien, monseigneur, » dit-il en bredouillant, « ma gratitude, l'honneur. »« L'honneur est plus grand que tu ne penses, Marot, car tu as mangé aujourd'hui à la table d'Henri de Béarn, roi de France et de Navarre. » Le Béarnais dit cela avec une telle dignité que Ledoux fléchit les genoux et se mit à pleurer. Demoiselle Ledoux et les valets étaient devenus pâles comme des suaires. « Remerciez le roi, drôle, » reprit la Trémoille. « Il devrait vous faire pendre, mais il vous pardonne dans sa bonté. » « Tu raconteras l'aventure à monsieur de Mayenne, » dit le roi en riant. Hercule Ledoux s'était relevé, et mettant la main sur son cœur, il s'écria. « Sire, jamais monsieur de Mayenne ne remettra les pieds dans ma maison, je me ferai plutôt tuer sur mon seuil. » « Alors tu ne détestes plus tant ce maudit Béarnais ? Ah, sire, ma vie est à vous. » « C'est bon, » reprit le roi, « souviens-toi de ce dîner, et dis à tes voisins qu'Henri IV veut qu'on l'aime. » « Maintenant, à cheval, messieurs. On doit être inquiet au camp. » Et tandis qu'ils s'en allaient tous trois au petit galop, salués par les vives le roi de tout le village, averti par Ledoux de la présence royale, Henri dit à ses amis avec son franc sourire, « Ventre Saint-Gris, messieurs, je suis content de ma journée. » Ainsi s'achève Ventre Saint-Gris, tiré des contes de l'épée d'Henri de Brizay.